Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 21 février 1911. Je vis en ce monde comme si j'étais absolument sûr d'une deuxième vie. Un peu comme je me suis consolé de mon séjour manqué à Paris, par exemple, en pensant que j'essaierais d'y retourner bientôt. En même temps, j'ai vu l'image du pavé des rues, avec leurs parties d'ombre et de lumière strictement délimitées. L'espace d'un instant, je me suis senti revêtu d'une cuirasse. Comme les muscles de mes bras, par exemple, me paraissent éloignés.